Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bonjour chers auditeurs de Radio Fadjet, j'espère que vous allez bien, que les premiers jours après le premier de l'an se sont passés comme vous l'entendiez, c'est-à-dire le mieux du monde, cela va de soi. Il est temps de renouer avec votre dose mensuelle de poésie, qui, je vous le rappelle, vous est présentée par votre très humble serviteur Lucas, qui, comme à l'accoutumée, vous salue bien bas. Et oui, le mois de janvier paraît toujours être une épreuve souvent complexe pour beaucoup. Après les vacances rarement reposantes de Noël, reprendre le boulot, faire face aux excès des fêtes, etc. Tout cela semble parfois bien compliqué. Une raison de plus de pouvoir finalement se détendre avec un peu de poésie. Et oui, rappelez-vous, la poésie vient toujours à nous, quelle que soit notre humeur ou notre positionnement quant à la vie. Une mélancolie, elle sera drainer votre mauvaise bile. Une grande joie, elle sera l'amplifier par la magie du vers. Il est temps aujourd'hui que je vous présente un peu la vie d'une poétesse que j'avais très rapidement évoquée durant ma chronique sur Edmond Rostand. Il s'agit ni plus ni moins que de sa femme, Rosemonde Gérard. Elle fut un soutien de tous les instants pour cette âme souvent souffrante que fut Edmond. Et en vous livrant cette chronique, c'est un peu un hommage que je fais à cette plume qui mérite tant de lauriers. Mais avant, laissons-nous entraîner par quelques ondes musicales qui nous mettront sur le chemin de la poésie. C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour, un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous reste, que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut, que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Retour de votre pastille poétique sur Fadjet. Et après avoir écouté Edith Preto, il est temps de retourner au sujet qui est le nôtre pour cette petite chronique, cette petite pastille poétique. Et oui, à l'heure de la sacro-sainte individualisation de la société, devant des faits d'actualité qui nous prouvent que l'on peut se surpasser en gravissant des montagnes, j'ai envie, comme à mon habitude, de rentrer à contre-courant. Il y a des thèmes qu'on n'imagine pas directement être liés au dépassement de soi. L'amour, par exemple. Pourtant, qu'il s'agisse d'un dépassement positif ou alors d'une négation de soi, c'est bien souvent aussi par l'amour que l'on se transcende pour l'autre. Aujourd'hui, j'irais jusqu'à dire que c'est presque mal considéré, à juste titre quand on parle d'une négation de soi. Et j'aimerais justement pouvoir vous évoquer un peu une partie de la vie de Rosemonde Gérard, femme d'Edmond Rostand, que cela a concerné. Si je vous parle d'œuvres comme « Les Pipeaux », je pense que cela ne vous dit rien. Pourtant, ce recueil de poésie est signé en 1889 de la main d'une dame qui a récemment été mise à l'honneur dans le Pays Basque. Rosemonde naît Louise Rose Étiennette dans le 9e arrondissement de Paris en 1866. Ce n'est que 2 ans après sa naissance que son père la reconnaît officiellement. Son père, William Lee, consul de Grande-Bretagne à Paris, meurt bien plus tôt que la mère de Rosemonde, Sylvie Zenobie Perruche, dite Sylvilly. Elle, elle est la fille d'un ancien maréchal d'Empire, le comte Gérard. Les parents Rostand et Lee se rencontrent aux environs de la fin des années 1880. Une balade est organisée pour profiter du temps. C'est durant d'ailleurs une de ces balades que Edmond et Rosemonde vont justement pouvoir se rencontrer. Ils se rapprochent après que Rosemonde a subi un accident de cheval. Très vite, ils seront fiancés. Très vite, en 1890, ils se marieront. Rosemonde n'est pas à proprement parler la poétesse qu'on cite avec le plus d'aisance quand on veut parler de revendications féminines, en tout cas dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que la période dont je veux vous entretenir est celle d'un sacrifice pour un mari. Un mari qu'on sait inquiet et très occupé par l'intrigue de ses pièces. Un jour, lui dit-il, je ferai une belle pièce en vers. C'est elle qui permet à Edmond de pouvoir faire publier à compte d'auteur, chez le maire, son tout premier recueil de poésie, Les Musardises. On est en 1890, les deux tourtereaux s'aiment comme jamais. Dans le recueil est présent toute une partie nommée Le Livre de l'Aimé. Ce livre est pour Rosemonde, évidemment, et il contient, ce poème liminaire, une forme d'un plaidoyer pour un poète un peu maladroit au grand cœur que Rostand va défendre. Il écrit « Je viens plaider la cause d'un pauvre garçon un peu fier qui se dit amoureux à cause qu'il vous a rencontré hier. Ce poète, c'est bien Rostand. Celle qu'il aime, c'est bien Rosemonde. Ce livre, mon amour, écrit-il, est pour toi seul. » Dans « L'éternelle chanson » de Rosemonde Gérard, on verra écrit « Comme chaque jour, je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. » Une phrase restée dans toutes les mémoires des lecteurs de Rosemonde et plus généralement de tous les amoureux. L'union Gérard-Rostand se verra avoir 2 enfants, Maurice et Jean. Rosemonde, bien qu'elle publie Les Pipeaux en 1889, va littéralement mettre en parenthèse sa carrière poétique pour faire sortir de l'ombre son mari. Elle est un soutien de tous les instants pour lui, qui souffre régulièrement de neurasthénie. Edmond n'a aucune confiance en lui et sombre bien vite dans des crises de dépression. Si Edmond fut reconnu en 1897, avec évidemment Cyrano, c'est aussi grâce à Rosemonde qui a conservé toutes les boules de papier que Rostand jetait et qui contenaient les vers de la pièce Cyrano. Quant à ses enfants, elle demeure une mère poule, présente, voire omniprésente, et peut-être étouffante. Aragon dira, quelques dizaines d'années plus tard, « La femme est l'avenir de l'homme, Ferra chantera », comme il disait vrai. Et puisque cette parole dit vérité, autant se laisser bercer par l'audace du chanteur à la moustache, comme Rostand, qui n'avait, comme lui, pas sa langue dans sa poche. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau trouve la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit, dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, mes chers amis, Jean Ferrat nous a chanté donc C'est beau la vie, une chanson que je dédie pour cette chronique à mon ami Chantal qui porte Jean Ferrat dans son cœur, comme beaucoup d'autres artistes de sa génération. Si l'on a précisé que Rosemonde Gérard soutenait fortement Edmond à chaque instant complexe de sa vie, pourtant l'harmonie au sein du couple va doucement péricliter. Comme si toute merveilleuse chose, si tant est qu'on puisse la juger comme telle, venait à mourir un jour, fredonnant la formule du philosophe « Memento mori », reprise dans les propos de Marc Aurèle. Rosemonde a accompagné et soutenu Edmond partout. En 1902, l'auteur subit une congestion pulmonaire et il doit se reposer. Elle filera avec son beau Rostand vers les reliefs du Pays Basque, à Etchegorilla, puis à Cambo-les-Bains, une fois que Rostand s'est fait construire la villa Arnaga. Seulement, cette villa ennuie Rosemonde, qui est davantage habituée au faste de la capitale parisienne. Durant tous les moments où Edmond aura peuplé Arnaga, rares, voire inexistants, seront les moments où de grandes fêtes seront organisées. Il s'agit d'une sorte de magnifique maison moderne pour l'époque, décor de théâtre, fête pour accueillir, mais qui n'accueille finalement en son sein que les tergiversations du poète et les doutes de l'artiste, et où une famille composée, je vous le rappelle, de Rosemonde, Jean et Maurice, tente de survivre. Et je vous rappelle d'ailleurs pour les plus curieux que cette villa Arnaga, toujours évidemment localisée à Cambo-les-Bains, peut être visitée. En vérité, on a prêté à Rostand des aventures à partir de son adoubement, mais rien ni personne ne peut réellement en témoigner. Rosemonde demeurera fidèle jusqu'au bout de l'existence du couple, mais elle étouffe et finira par rencontrer l'amour avec Tiarco Richepin, fils de Jean Richepin, poète. Il sera son Beethoven car il est musicien. Lorsqu'il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale, Rosemonde est très inquiète. Toutefois, elle ne rompra jamais réellement officiellement son lien avec Edmond Rostand. En 1935, elle publie même un livre nommé Edmond Rostand, qui compilera tous les souvenirs et extravagances de son mari, décédé de la grippe espagnole en 1918. Pour les plus curieux, je vous rappelle que ce livre vient d'être republié récemment. Elle en parle en termes élogieux de son poète et semble là aussi s'effacer complètement, occultant littéralement toute l'aide précieuse qu'elle lui avait fournie, même le fait qu'elle fût un soutien de tous les instants. Rappelez-vous, je disais que citer Rosemonde pour évoquer sereinement la revendication féminine n'était pas chose aisée. Il est, malgré ce sacrifice qu'elle a fait par amour, nécessaire de rappeler qu'elle fit partie du jury du prix Femina, encore présent de nos jours, et que sa force mérite toutes les louanges. Ce prix Femina visait à faire originellement reconnaître la place de la femme dans le milieu littéraire en accordant un prix à une femme donc, en parallèle du prix Goncourt, jugé misogyne. Elle participera à une conférence sur le féminisme avec son fils Maurice en 1930 et compilera en 1943 les poèmes des muses françaises de Marie de France jusqu'à elle. Le dit recueil aura mérité une republication chez Triartis il y a peu de temps, que Thomas Sertilange, biographe de Rostand, aura préfacé sous forme d'une lettre adressée à Rosemonde. Elle meurt dans le 16e arrondissement de Paris en 1953 et est inhumée au cimetière de Passy avec son fils Maurice. Jusque dans la tombe, la famille fut séparée. En effet, Rostand demeure au cimetière de Marseille et quoi qu'on en dira, elle aura témoigné de toute sa force pour soutenir son mari, qui ne lui aura finalement que peu rendu. En 1911, il republie ses musardises chez Fasquelle en remaniant le recueil. S'il ajoute des parties, il expurge totalement ce fameux livre de l'aimé dont je vous parlais, qui passe littéralement à la trappe. Voilà l'une des venimosités que je n'ai pas pardonné à mon poète de cœur et de panache. Si Edmond, pour presque paraphraser Thomas Sertilange, est devenu Rostand, c'est parce que Rosemonde était aussi derrière lui aux petits soins. Et Dieu qu'il est parfois fort bon de retrouver dans les bras de celui ou celle qu'on aime passionnément un peu d'amour et de réconfort quand ils sont sains. Voilà bien une source honnête, voire LA source honnête, qui permet tout dépassement de soi et qui nous y pousserait presque. Alors je voulais, pour rappeler cela, parler un peu de Rosemonde Gérard, poétesse qu'on a parfois eu le déshonneur d'éclipser derrière la réputation de son mari et que je m'empresse, pour définir le courage et le respect, d'en relire ces quelques vers. Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille, lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs, au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille, nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants. Comme le renouveau mettra nos cœurs en fête, nous nous croirons encore de jeunes amoureux. N'est-ce pas ici un pied de nez au temps qui oblitère tout parfois? Rien de moins qu'une merveilleuse promesse? C'est ainsi, sur ces belles paroles, sur ces beaux vers, que se conclut notre pastille poétique, mes chers amis. Il était temps de se retrouver après la nouvelle année. Voici que revient le fredonnement insensé de la poésie qui vient et naît de partout. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Rosemonde Gérard. Retrouvons-nous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.